pierre entre amour classique et amour psychique. Je suis pas difficile, j'essaie même d'être habile. Je fais bien tout pour plaire, mais je ne brasse que de l'air. Je fais bien tout pour plaire, mais je ne brasse que de l'air. Change en fer et le paradis en enfer. Caresser une fois, rien qu'une fois dans tes bras. Pour toi, je change en fer et le paradis en enfer. Caresser une fois, rien qu'une fois dans tes bras. Espoir si perfide, tendance aride. Tu glaces mes pas, ton regard n'y changera pas. Comme un ange qui torture, espiègle figure. Tes mots en vain ne m'atteindront point. Je fais bien tout pour plaire, mais je ne brasse que de l'air. J'fais bien tout pour plaire, mais je ne brasse que de l'air. Change en fer et le paradis en enfer. Caresser une fois, rien qu'une fois dans tes bras. Pour toi, je change en fer et le paradis en enfer. Caresser une fois, rien qu'une fois dans tes bras. Pour toi, je change en fer et le paradis en enfer. Caresser une fois, rien qu'une fois dans tes bras. Pour toi, je change leur enfer et le paradis en enfer. Caresser une fois, rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras. Rien qu'une fois dans tes bras.